facettes à la castellane. Semble à ce qu'on va répondre à l'appel avec du pilon qui pue avoir la bœuf. Boum, boum, boum, boum, je suis m'enfoncé dans la 45. Le monde est ok, pris vitesse, comme j'ai des ailerons, il peut pas me prendre en chasse. Et pour pas changer, je suis sous Jack Connais. Comme des baisers, elle dit que je la connais. Elle vu comme ça brille, c'est que tu la reconnais. À mon poignet, une royale en trône. Tu dans le futur, tu peux plus me voir. À la concouche, dans l'âge, que des topettes, soit des kilomètres. Je suis tellement là, je suis dans une autre planète. Qui c'est qui ouvrant des montants? Qui c'est qui casse qu'on lui monte? J'suis toujours dans le bâtiment, et plus d'un an que je leur démonte. Aujourd'hui, j'ai un compte en banque, carrément chef d'entreprise. De toujours la boule au ventre quand y'a les keufs à la tisse. J'prends mal la boîte à la cité. Tout ce qu'on a, on l'a mérité. Décale quand on descend l'allée. Décale quand on descend l'allée. J'prends mal la boîte à la cité. Tout ce qu'on a, on l'a mérité. Décale quand on descend l'allée. Oh oh oh. Hier j'en place à coup baladé. Dans le bâtiment, c'est tiens tout à gâter. Si tu toi, il ne faut pas tout rater. Si on revient, on rappe même ta matée. Et si dans le bloc, ça va pas changer. J'suis dans le mec, ça va pas changer. Je suis dans le mec, ça va pas changer. J'suis dans le mec, ça va pas changer. J'allais pas le faire, j'avais que ça. Maintenant que j'suis là, j'compte bien demander mais ma PSA. J'suis pas né pour filmer, mais la démarche est classe. On n'en t'a pas idée, vaut mieux pas que tu saches. Calé comme Trunks, j'allume un blunt. Il faut que tu bives, après je dors, sinon c'est mort. Quand les poches se remplissent, les rapaces viennent. La voiture fonce, c'est le truc qui est dedans. C'est à business, t'as mon adresse. 13 Marseille, bâtiment 7. Faut balader featuring sans blaze. Leonidas featuring Shifty. Yo, haters say it ain't no beef. J'les ken, donc elle croit que j'active. J'suis dans le Benz, garé dans le parking. You fuck around, don't you come around, snitch. À skip, t'as les couilles de le faire. J'roule avec les mêmes frères, dans les mêmes fers. Les condés font que pister, j'dois péter le score. 2 millions suffira pas, faudra creuser encore. Nous n'avons rien à voir avec ces bitches. La rue nous a éduqués, vu comment j'kick. Donc appelle si on prend du beef. Bitch. J'prends mal la boîte à la cité. Tout ce qu'on a, on l'a mérité. Décale quand on descend l'allée. Décale quand on descend l'allée. J'prends mal la boîte à la cité. Tout ce qu'on a, on l'a mérité.